Alors vous guidez l'entretien, hein, vous. Non, non, non, tout. Ah oui, tout à fait. Non, non, je veux dire par là que c'est... dans la mesure où vous êtes. Oui, dans la mesure où vous savez ce que vous voulez me demander, quoi. Oui, c'est... Oui. Ce qui m'intéresse, c'est quand vous dites la passion du pigeon. La passion du pigeon, c'est très curieux. Vous définir ça, je ne pourrais pas vous le définir. Mais de tout petit, mais mon père me rappelle que quand j'avais 4 ou 5 ans, j'élevais déjà des pigeons. Je suis originaire d'Algérie. Hein. Et mon père, nous habitions à la ferme, mon père avait supprimé tous les pigeons, parce que les pigeons ont des inconvénients. Ça laisse tomber des plumes dans les râteliers d'animaux, ça fait tousser les bêtes, c'est très sale, très sale. Et moi, à 4 ou 5 ans, j'ai refait des pigeonniers à la ferme. Ensuite, de par les événements d'Algérie, nous sommes rentrés en France, j'habite en Touraine, j'étais là depuis 6 mois, j'ai fait un pigeonnier. Nous sommes allés un petit peu dans la région d'Albi pendant un an, j'ai fait un pigeonnier. Pas toujours conforme au pigeonnier qu'on va voir ici, si vous voulez, mais quelquefois c'était 5 ou 6 cases. Et je m'arrangeais toujours pour trouver un couple de pigeons, deux couples de pigeons. Et ici, ça fait quand même 15-16 ans que nous sommes dans Vaucluse. Hein. J'ai fait un joli petit pigeonnier que j'ai mis 2 ans à construire parce que je n'avais pas le temps. Je construisais par pain. Et j'ai fait ce pigeonnier, il y a 14-15 couples. Alors, je ne suis pas du tout intéressé par le pigeon voyageur, hein, ni par le pigeon d'exposition. J'ai horreur de... Oui, j'ai horreur de ça, notamment les pigeons d'exposition. De par mon boulot, j'ai été amené à voir des expositions de pigeons. C'est le côté sophistiqué que j'aime pas du tout. Alors je me suis orienté, moi, vers le pigeon de consommation, et notamment vers les King et Texans, qui sont des animaux intéressants, parce que dans un petit pigeonnier où on n'a que quelques couples, il est toujours intéressant, je ne sais pas si vous connaissez les mœurs des pigeons, qui sont des mœurs abominables, il est indispensable qu'il y ait toujours un nombre égal de mâles ou de femelles, pour avoir la paix. Sans quoi, si vous avez un mâle de trop, il fiche un bazar épouvantable, il va débaucher une femelle, qui sait se débaucher d'ailleurs. Ça laisse un mâle qui est disponible, qui va débaucher une femelle. Alors j'avais trouvé cette formule d'auto-sexable, là, des King et Texans, très, très intéressant à ce point de vue-là. On sait que quand on a 15 couples, on a 15 mâles, 15 femelles, ça ne pose pas de problème. S'il y a un mâle qui se tue, on tue la femelle, bien entendu. Et à une certaine époque de ma carrière professionnelle, ma société avait licencié, j'ai été un petit peu victime de cette affaire-là, j'avais envisagé de monter un élevage de pigeons. Et c'est une affaire que j'avais poussée très très loin parce que j'avais suivi un stage de reconversion pour création d'entreprise. Tout mon stage avait été orienté sur la création de cet élevage de pigeons. J'avais été faire des visites dans le sud-ouest, j'avais vu de gros élevages, de 1500, 2000 pigeons, couple. Hein. Alors, la passion du pigeon, c'est un peu ça. Je mange mes pigeons, je trouve délicieux, j'adore les pigeons dans l'assiette. Un pigeon, pour moi, c'est mystérieux. J'adore les pigeons, je les regarde des fois en fenêtre, je regarde les couples. Je connais chacun de mes couples, chacun de leurs manies. Chaque couple a ses manies, un petit peu comme chez nous. Il y en a qui sont autoritaires, d'autres qui sont emmerdants, d'autres qui emmerdent leurs femelles. C'est formidable, on retrouve exactement les caractéristiques chez les oiseaux, enfin chez les pigeons, parce que je les examine plus, que chez les êtres humains. Vous les observez. Oh, formidable. Écoutez, c'est un sujet de pas de dérision, mais un sujet assez marrant à la maison. Chaque fois qu'on m'offre quelque chose, on m'offre un pigeonnier, ou quelque chose qui rapporte un pigeonnier. Il n'y a pas longtemps, encore un de mes cousins, qui habite Paris, m'a envoyé une photo qu'il a trouvée, parce que j'ai trouvé un catalogue, pigeonnier, des pigeons de 1914, vous voyez, c'était pigeons voyageurs, dans une espèce de véhicule, vous savez qu'on a beaucoup utilisé le pigeon voyageur pendant la guerre 14 pour passer un message. Alors, tous les gens qui me connaissent m'envoient des trucs comme ça. Quand j'étais sur la route, je partais le lundi, je rentrais le vendredi, j'arrivais de rentrer le vendredi soir très tard, vers 10h, 11h, tout le monde était couché à la maison, je prenais ma lampe électrique, j'allais voir mes pigeons. Et même maintenant, il m'arrive très souvent, avant de me coucher, à 10h, 11h, d'aller voir les pigeons, regarder un petit peu comme ils sont, de manier les petits, de les toucher, de les bricoler, de les changer de nid quelquefois quand ils ne sont pas du même poids. Vous en avez combien? Oh, 15 couples, pas beaucoup, 15 couples. C'est une petite, Mais je suis passionné par le pigeon, pourquoi, j'en sais rien. Mais voilà, ma passion du pigeon, c'est ça. Allez savoir pourquoi une passion née, j'en sais rien. Depuis tout petit, 4-5 ans, mon père me dit, pigeon, ça m'intéresse. Et alors, je trouve les pigeonniers en France quelque chose d'extraordinaire. Je trouve que c'est extraordinaire. Ils sont formidables, ces pigeonniers-là. Ils ont un style. Puis, beaucoup plus important, moi, je pense, si vous voulez, que le pigeon est un animal. C'est une raison sociale, le pigeon. Quand on pense, vous ne savez peut-être pas, qu'à l'abolition des privilèges, vous le savez, l'abolition du droit de pigeonnier, ça prouve que le pigeon a toujours été, a vécu avec les hommes, a cohabité avec les hommes, et ça pose des problèmes. C'est un phénomène de société, à mon avis, c'est un phénomène de société. Alors, vous voulez me dire quelque chose, vous m'excusez. Non, non. Il va sortir un livre, là, qui s'appelle Pigeonnier de France. Encore dans ceux de Martel, ça peut être pigeonnier de France. Bah oui, mais là, c'est chez Privat. Oui. Et je vous fais voir cette annonce. Histoire économique et sociale technique. Voilà, c'est oui. Mais c'est un peu ce que vous faites, en quelque sorte, vous, non? Pas sur toute la France. Ah ouais. Ah ben vous êtes tranquille que je vais certainement l'acheter ou quelqu'un l'achètera pour moi. Il Mes est peu fiches. cher, je trouve. Hein. Que 250 francs? Ouais. Oui, mais enfin, oui. 150 pages, en fait. Pigeonnier de France, ouais. Et ils ont le droit de prendre un titre qui a déjà été utilisé comme ça? Je ne sais pas si d'abord c'était un numéro d'une revue. Hein. Ouais. C'est pas vraiment un titre d'un livre. Et est-ce que c'est le titre exact Ah ou oui, il me exactement semble le que c'est. même? Et je sais que Martel a écrit deux bouquins, il y en a un qui s'appelle Pigeonnier de France et l'autre qui s'appelle Pigeonnier de Oui, je les Provence. ai tous les deux, mais je me demande si le truc va peut-être le Je vous garantirai pas. Oui. Mais alors c'est marrant parce que finalement ça correspond un petit peu à ce que vous allez faire, ça, parce que je vois histoire économique, sociale, ça débouche sur l'ethnologie, ça, non? C'est plus tourné vers le passé, parce que moi je m'intéresse quand même à ce qui se fait aussi maintenant et à ce qui reste dans la mémoire des gens maintenant. Voilà, d'accord. Et en particulier, j'ai rencontré hier quelqu'un qui est éleveur de pigeons sur la route de Saint-Michel, que vous avez repéré quand vous avez fait à pied Saint-Michel certains Observatoire? temps. Oui. Sur la route qui va de Saint-Michel à Mal, donc, Oui. il y a un éleveur de pigeons sur la droite qui s'appelle Chassan et qui fait des pigeons de chair, avec qui j'ai passé deux après-midi hier. Au bord de la route, là. Un gars qui a barbu. Oui, Ouais, c'est ça. oui. Vous connaissez? Oui, j'avais été le voir. Ben, je suis un jour, à l'époque où je m'intéressais à l'élevage en tant que tel, là. J'avais vu son nom et j'étais allé voir parce que j'avais un mal fou à me procurer du condiment minéral. Le pigeon, c'est un animal qui est très peu connu en France, très peu connu. Et il y a très peu de vétérinaires qui connaissent le pigeon. Moi, quand j'ai besoin de produits vétérinaires, je téléphone à un vétérinaire qui habite au Pouzin, dans l'Ardèche. Parce qu'à une certaine époque, si vous voulez, je m'étais inscrit au syndicat des éleveurs du pigeon de la vallée du Rhône, qui existe, c'est un syndicat qui travaille, hein. Et je m'étais inscrit avec eux, non pas, je m'étais inscrit à ce syndicat, non pas pour vendre des pigeons, parce que c'est avec 15 couples, il n'était pas question de faire ça, mais ça me permettait de rester en rapport avec eux pour avoir des informations sur le plan vétérinaire. Et chaque fois qu'il y avait une réunion quelque part, du fait que je payais ma cotisation, j'étais informé et j'assistais à la réunion. La dernière qui s'est passée, c'est un bout de temps, il y a 2 ou 3 ans, à Aix-en-Provence, j'étais aux allées aussi. Et quand j'ai besoin de produits, je téléphone au docteur, il s'appelle, moi je l'appelle le docteur Aquacelzer, parce que il s'appelle le docteur Docasaster. C'est rare de trouver un veto qui connaisse le pigeon. Parce que sur le plan industriel, ça ne présente pas encore un grand intérêt le pigeon, comme le poulet. Et j'ai eu des convenus terribles, parce que des fois j'ai eu traité une coccidiose qui était banale, avec certains produits qui m'ont amené des dégâts terribles sur le pigeon. Alors le docteur Docasaster, là, finalement par la force des choses, est devenu un spécialiste du pigeon. Et quand j'ai besoin de produits, je lui téléphone, il m'envoie ça par courrier ultra rapide. C'est un type tout à fait charmant d'ailleurs. Et vous avez donc été chez Chassan pour un... Je voulais chercher du condiment minéral, parce que je ne trouvais pas de condiment minéral. Alors maintenant, je sais que dans les Alpes-de-Provence, comment ça s'appelle ce truc-là? À Oueyzeron, il y a une coopérative agricole qui fait du composé minéral, qui avait été mis au point par un gros éleveur comment il s'appelait ce père bonhomme, il m'avait dédicacé son bouquin. De la Saône-et-Loire, il parlait comme ça, monsieur, je sais pas comment, là. Et il avait, c'était un petit peu un ingénieur agronome, qui s'était beaucoup occupé de pigeons, qui a beaucoup produit au point pour les pigeons, et notamment un condiment minéral qui s'appelle je crois, je n'ai pas mes documents ici, mais je peux vous le dire. Alors, tous les 2 ou 3 mois, je monte à Oraison Condiment chercher minéral, c'est en poudre le phosphore, calcium et tous les oligoéléments, quoi, qui sont indispensables aux animaux qui sont en captivité. Et sinon, est-ce que quand vous vous occupez de vos pigeons, est-ce que vous vous inspirez de pratiques anciennes, enfin, est-ce que vous... Pratique ancienne, c'est difficile à dire. Si j'ai pu faire un pigeonnier dans le style de ce que je vois, oui, j'aurais fait ça. Pas obligatoirement sur le plan architectural, mais sur la façon de les élever, quoi, leur donner telle graine, comment on Ah, la ils sont fait. nourris, attention, ils sont nourris d'une façon tout à fait artisanale, si je puis dire. Blé, maïs, pois, je ne leur donne pas d'aliments composés. Pour une raison bien simple, une raison pratique, si vous voulez. Il n'existe pas, à ma connaissance, d'aliments spéciaux pour pigeons. Pourtant, Chassan disait que dernièrement, ils ont... Ouais, moi j'y crois pas. J'y crois pas. J'y crois pas, si vous voulez, parce que j'ai travaillé longtemps dans l'aliment du bétail. Mais lui, il fait au grain aussi. Comment? Il le fait au grain, lui aussi. Voilà. J'ai travaillé longtemps dans une firme d'aliment du bétail, qui appartenait au groupe Unilever. Et si vous voulez, actuellement, on arrive à des points, des trucs qui sont excessivement sophistiqués. Vous avez des poulets, par exemple, qui ont 6 semaines, on vous donne un aliment spécial pour les poulets de 6 semaines. Vous avez des poules pondeuses, un aliment spécial pour les poules pondeuses. Allez trouver ça dans un élevage de pigeons, c'est absolument impossible. Moi, actuellement, j'ai 15 groupes, il y a 10 situations différentes. Il y en a qui sont en ponte, d'autres qui sont en élevage, les pigeonneaux viennent naître, d'autres les pigeonneaux ont 15 jours, 3 semaines. Vous avez 10 situations différentes. Par conséquent, à mon avis, il est très difficile de faire un aliment qui convient à un élevage complet. Je m'étais intéressé à ça, moi, parce que j'avais déjà mon élevage de pigeons lorsque j'étais à la COFNA, qui est un groupe firme d'aliments du groupe Ile Vert. J'aurais posé la question, j'ai discuté avec un vétérinaire, on a cherché beaucoup de choses, et il m'a dit, on va se heurter à ça. On fera un aliment, mais un aliment passe-partout, qui conviendra à tout le monde, et comme toutes les choses qui conviennent à tout le monde, ça convient finalement à personne. Alors moi, je donne uniquement blé, maïs, pois, et trucs comme ça. Ouais. Ouais. Alors si c'est ça, l'ancienne, oui. Pour le reste, je ne sais pas qu'on faisait les anciens. La veste aussi. Et que tu aurais moins cher, parce que c'est la, trouver de la veste, c'est la croix et la manière. Paysans, le pois fourrager, bon, le pois fourrager est très très bien. Mm-hmm. Très très bien, ils arrachent, il faut les rationner, parce qu'ils bouffent du pois fourrager de façon extraordinaire. Et pour les soigner, donc, vous faites appel au vétérinaire, vous envoyez des produits chimiques ou quoi? Oui, honnêtement, oui. C'est que, de temps en temps, parce qu'en fait, une pigeonnier, les pigeons ont deux problèmes, c'est le verre et les coccidioses. Hein. Mmh. Oui, la mono, je ne sais pas comment ils appellent ça, moi j'ai jamais eu. Oui. Moi j'ai eu par contre des problèmes de coccidioses, comme tous les élevages. Hein. Alors là, on est obligé d'avoir recours aux produits. Parce que finalement, ces élevages anciens dont vous parlez, ils n'étaient pas ces problèmes-là, ils ont dit que les pigeons étaient toujours en liberté. Ah, oui. Il y a aussi des gens qui donnent des essences de plantes. Je sais. Simplement des tisanes. Ouais, non, franchement, je suis pas très, très, très ouvert de ce côté-là. Mmh. Ou plutôt que je serais plutôt. Il y a des gens qui les soignent en fait, c'est les pigeons. Ouais. Vous savez, moi-même, je me dis, je vais pas trop pour moi. Je prétends pas avoir raison. Hein. Mmh. Non, vous savez, j'ai eu des déboires, hein, comme tout éleveur. Hein. J'ai eu à une certaine époque, ça a duré pendant 2 ans. Hein. Les pigeons ont naissé et ils crevaient à 4 jours. Ça a duré 2 ans. Il a fallu que j'ai une volonté terrible pour persister. Et justement, c'est le docteur de Cassester qui m'a bien rendu service. Que, j'avais recours à 3 ou 4 vétérinaires enfants, j'écrivais ça. Hein. On s'est aperçu que c'est un. Vous savez que le pigeon, vous connaissez un peu le pigeon, c'est que le pigeon nourrit son petit avec ce qu'on appelle le lait de pigeon. Oui. Voilà. Voilà, il mange des graines dans l'espace d'une demi-heure, 2 heures, je ne sais pas le temps qu'il faut, si vous voulez. Ces graines sont, avec un sucre qu'il y a dans le jabot, sont soumises à ce qu'on appelle le lait de pigeon. Et mes adultes avaient, dans le foie, ils avaient ça, oui, un espèce de verre qui était le jardin, qui les empêchait de transformer ce grain en bouillie. Et ils donnaient à leurs petits, tous les 2 ou 3 jours, du grain carrément. Ça crevait à tour de bras, les petits crevaient avec des jabots gonflés comme ça, mais gonflés de grains, ils n'avaient pas digéré. Et puis alors, il y avait un phénomène extraordinaire, c'est que dès que les petits crevaient, les parents recommençaient tout de suite à nicher, vous voyez. Ça durait 2 ans, cette affaire-là. Et finalement, le docteur Decassester m'a trouvé une espèce de produit qu'il fallait incorporer par petite dose dans l'aliment, ceci, cela. Ah oui, mais ça durait 2 ans, mais j'ai perdu plus de 200, 300 pigeonneaux, quoi. Il y en a quelques-uns qui passent au travers, on se demande pourquoi, d'ailleurs, on se demande pourquoi. Alors, vous savez, des boires comme ça, c'est emmerdant, hein, c'est ennuyeux. Alors, non, je ne les soigne pas comme un dingue, là. De temps en temps, je fais mon traitement contre la coccidiose, mon traitement contre les vers. Je recours aux vitamines après avoir soigné. Dès qu'il s'agit d'élevage en concentration, les problèmes se multiplient. Hein. Et certains que s'ils étaient en liberté, ces problèmes-là n'existent pas. Dès qu'il y a concentration. Et vous en avez du sel aussi? J'ai une litière de sable. Hein. Litière de sable, non, je pense que les condiments minéraux doivent suffire. Oui, j'ai pas recours à la queue de morue, là. J'y pense souvent, ça, tiens. Faut une queue. Attirer, en fait. Pour les attirer. Oui, mais ils doivent picorer, ils doivent aimer. Oui. Non, dans le temps, j'avais juste des pierres à sel. Oui. Des pierres à sel. Puis j'ai vu que c'était pas très efficace. Ça aussi, c'est des produits qui sont un petit peu. Qui conviennent à tout le monde sans convenir. Alors, les condiments minéraux sont quand même. On les paie assez cher, d'ailleurs, les condiments minéraux. Je sais pas pourquoi on appelle ça. Non, c'est un sac, c'est de la poudre, hein, c'est de la. Ah, c'est de la poudre que je donne. Est-ce que je peux vous demander la raison de fumer? Ah, vous ne me dérangez pas, j'étais un gros fumeur pendant des années, j'ai arrêté la pipe tout à fait par hasard, moi. Non, je me dis toujours, j'y reviendrai. Je dis à ma femme, le jour où j'aurai 80 ans, si j'y arrive, je me remets à fumer la pipe. À ce moment-là, il n'y aura plus de dégâts possibles, mais je. Oui, donc je n'ai pas du tout. Merci. Vous n'avez pas trop chaud à l'époque qu'on ouvre, non? Non, c'est le problème, c'est que dès qu'on ouvre, il y a du courant d'air. Puis on aura beaucoup de bruit, parce que oui, les voitures. Bon. Alors le pigeon, c'est tout ça. Mais il est certain que si, méthode d'ancienne, moi je veux bien, enfin, s'il y avait quelques méthodes anciennes que je puisse adapter, moi je suis tout disposé à les suivre. Hein. Parce que finalement, mon élevage, bon, c'est pas un élevage de profit, quoi. Je suis obligé d'en tuer. Parce que si c'est pas moi qui les mange, c'est eux qui me mangeraient. Hein. Et alors justement, un peu quand vous les tuez, vous les accordez comment en général? Ah, c'est formidable, ça, oui. Est-ce que c'est vous d'abord qui accordez les pigeons? Alors c'est ma femme, on en discute quand même. Parce que bon, tous les jeunes pigeons, on les fait retirer, hein. C'est tellement bon. Par contre, on a eu le problème des vieux pigeons. Et les vieux pigeons, ma femme les prépare comme une, comme les pintades. Là. Comment? Ah, vous expliquez ça, alors, je ne saurais pas. Tout récemment, non. Alors, chaque fois que j'abats des vieux pigeons, on les garde. Parce que ça ne vaut pas la peine de faire pour deux ou un coup ou deux, vous voyez. Quand elle a 8-10 vieux pigeons, elle fait une sauce particulière, un peu comme les pintades avec du vin, un truc comme ça, toute une pomme, j'en sais rien. Alors, j'y connais strictement rien. Je sais que c'est bon, c'est elle qui les fait. Mais ça a été un problème pour nous, parce qu'à une certaine époque, on disait, qu'est-ce qu'on pourrait faire de vieux pigeons qui sont à la réforme. Et Corcel, oui, il s'appelle Corcel, ce bonhomme qui a écrit un bouquin. Voilà, Corcel a consacré quelques pages en disant, mais attention, les vieux pigeons, c'est un truc formidable, à condition que vous sachiez les accommoder. Et on a dû relever sa recette dans une cépage. Les éleveurs en question, dont je vous parlais, ils en vendent à des restaurants. Oui, bien sûr, mais tout à fait, tout à fait. Mais est-ce qui m'intéresserait si madame de Lambin est d'accord? Oui. Oui, d'accord, oui, oui. Oui. Ça serait bien si, parce que ce qu'on fait aussi, c'est essayer de collecter un peu toutes les recettes qui existent, même s'il y a des variantes individuelles, quoi, hein, par rapport... Ben là, c'est limite deux choses, évidemment. Je dis le pigeon rôti parce qu'ils sont jeunes, on n'imagine pas les manger autrement. Et une fois, d'ailleurs, elle avait fait une recette dite à la marocaine. Et elle m'a dit, c'est dommage, parce qu'on met tellement d'ingrédients, si vous voulez, que finalement, le pigeon s'estompe complètement derrière ce qu'on y met, quoi. Alors les vieux pigeons qu'on les fiche avec pas mal de choses, parce qu'effectivement la viande est difficile à... C'est dur. Hein, c'est une nourriture, parce que les pigeons qui ont les... Moi je les réforme des pigeons, sauf accident, c'est des pigeons qui ont moins 5 ou 6 ans. Mm-hmm. Bon, c'est dur. Alors il y a certains qu'il faut y donner beaucoup de choses pour les faire passer, mais c'est très bon. Mais les jeunes pigeons, c'est tellement bon de les manger rôtis. Une fois, je me rappelle, on avait des amis qui étaient venus, et elle avait trouvé une recette qui s'appelait d'ailleurs les pigeons à la marocaine, avec du raisin sec, des raisins, tout ça. On a dit c'est dommage. C'est dommage parce que c'est bon, mais ça pue le goût de pigeon. Alors on se dit c'est dommage. Mais la recette, je vous dis, c'est une recette qu'elle a trouvée, ou d'un bouquin de Courcelles, je ne sais trop où, où on fait les pigeons un peu comme la pintade, parce que dans le fond, c'est un peu le même problème. Si vous voulez, les pintades sont déjà des animaux qu'on ne vide pas de leur sang, hein, qu'on tue au fusil. Puis, je ne sais pas si ça se continue, mais enfin en Algérie, on tue les pintades au fusil. Et oui, c'est clair, c'est un animal tellement sauvage, quand même, ça se retrouve, c'est tué au fusil. Hein. Et les pigeons, bon, c'est la même chose, moi je ne les saigne pas, je les étouffe, hein, parce que pour l'instant, je soutiens ce soir, mais il faut que j'en tue une dizaine parce que je sais plus qu'en foutre là. Quand tu es une dizaine, vous les vendez, vous non, les non, vendez non, ma femme les plus, puis vous on... les ah oui, ah oui, oui, oui, oui, quand il y en a trop comme ça. Que votre consommation personnelle. Oui, mais de temps en temps, j'ai le greffier qui dit, tiens, il faut une coupe de pigeon, alors je vais prendre une coupe de pigeon. Hein. Je fais payer ça, mais après, j'ai dit que je leur fais payer 50 francs de coupe, non, 100 francs de coupe, 50 francs de pigeon, alors que les prix sont beaucoup plus élevés que ça, alors que ces pigeons qui sont simples. Et surtout pour leur rendre service, parce que moi, je sais que on trouve ça très bien. J'ai une nombreuse famille, enfin, j'ai 4 filles, il y en a qui sont toutes mariées. Quand elles arrivent à la maison, moi, j'ai des pigeons, c'est ça quand même. Ah, oui, oui, oui. Pour les pigeons, je me dis, pour, à la maison, c'est presque une institution. Hein. Ouais. J'ai des pigeonniers en terre cuite, ceci, en santon, enfin... Et votre femme s'en occupe aussi? Non, pas du tout. Alors ça, je trouve bizarre, parce que dans tous les bouquins que j'ai vus sur le pigeon, on disait, les gens qui ont la passion du pigeon arrivent à la communiquer à leur entourage. Je ne suis jamais arrivé à communiquer ça, ma femme. C'est-à-dire qu'on a les 4 gosses, on avait d'autres occupations que s'occuper des pigeons. Non, elle ne s'occupe pas du tout, du tout, du tout des pigeons. Pas du tout. Sauf quand je ne suis pas là, si je m'absente quelques jours, si vous voulez en avoir mangé, elle le fait, quoi, sans problème. Mais elle ne s'occupe pas spécialement. Non, non, non. Non, non. Alors que j'ai lu dans tous les bouquins, je lui avais dit une fois. Je pars peut-être trop vite, non? Non. Je suis un sacré. Vous avez un débit important. Et dans tous les bouquins, je disais que. Il était rare qu'on n'arrive pas à communiquer sa passion du pigeon. Ouais. Je l'ai communiqué à mes petits-enfants, j'ai des petits-enfants qui viennent souvent, on voit les pigeons, ils adorent ça. Hein. Ma femme, pas. Bah, elle a pas mal d'occupations avec ses enfants, ses petits-enfants. Ouais. Et donc, c'est vous qui nettoyez vos ah, pigeons ouais, ouais, ouais. Toutes les semaines, je nettoie mon pigeonnier. Toutes les semaines? Ah oui, je nettoie. Non, vous savez, c'est important à mon avis parce qu'ils sont sur paille, les pigeonniers, les nids sont en paille. Et j'avais, à une certaine époque, envisagé de faire des nids d'acheter des nids en terre. Et puis, voilà, on ne peut plus les nettoyer, puis pas. Et puis, c'est une erreur. Une erreur parce que Le fait de nettoyer toutes les semaines, ça vous permet de voir l'état sanitaire de votre pigeonnier. On voit, des fois, c'est en nettoyant le pigeonnier que je m'aperçois qu'il y a une coccidiose qui est naissante. Parce qu'on déplace les petits, tiens, ils ont le jambon un petit peu en lame de couteau, ou ils ont des diarrhées, tiens, ça ne gaspille pas. La coccidiose, excusez-moi. Coccidiose, c'est un. Ça, en fait, les gens, bien pourtant, comme vous, comme moi, comme les animaux, tout le monde a des coccidies dans les viscères, dans les intestins. Mais à l'occasion d'une alimentation un petit peu irrégulière, par exemple très aqueuse, par exemple chez les lapins, par exemple, c'est très significatif. Si vous donnez trop d'herbe aux lapins, ces coccidies se multiplient par millions en l'espace de 24 heures, 48 heures. Alors ça se traduit par des diarrhées épouvantables qui ne sont pas mortelles en tant que telles. On ne meurt pas de la coccidiose parce qu'on a la coccidiose, mais les animaux meurent de la coccidiose par épuisement. Parce que tout se transforme en eau, alors ça maigrit chez le pigeon. Le pigeon, tous les volatiles d'ailleurs, ils ont un bréchet qui devient, c'est très caractéristique la coccidiose. Le bréchet devient en lame de couteau, puis alors ils ont le lit est tout plein de flaques, très humide. La coccidiose, on ne s'y trompe pas, hein, ça se voit très bien. Mais c'est le fléau des pigeonniers, la coccidiose. Hein. Alors ça se traite très facilement, un coup de piperazine, boum, bon. Pas piperazine, comment appelle-t-on ça? Je ne sais plus le nom du produit. En fait, c'est banal, on arrive à traiter la coccidiose de façon très très banale. Hein. Mmh. Avec la pyrazine, c'est pour traiter les vers. Je ne sais pas quoi. C'est quelque chose que vous leur donnez à la gilet ou bien... Dans l'autre boisson. Quatre jours dans l'autre boisson, ça va très très bien. Hein, ils le boivent très très bien. Donc vous disiez, nettoyer le pigeonnier, ça vous permet de... De voir l'état sanitaire des pigeons. Il y a un phénomène que je remarque souvent, et ça, voilà, je pose la question à vétérinaire. On a très souvent, dans un couple de pigeons, une différence de poids. Il y a un pigeon qui est déjà très gros et l'autre qui demeure petit. Et cette différence s'accroît très rapidement parce que le gros sollicite très souvent ses parents alors que le petit, lui, n'y arrive pas. Et en l'espace de 5-6 jours, si vous voulez, cet écart prend des proportions considérables. Alors c'est très facile parce que dans un pigeonnier, il y a toujours des petits différents âges de changer de petit. Moi, j'attrape le petit, je le mets sous une autre femelle, je le croise, je fais un tas de trucs, j'équilibre mes élevages comme ça. Là, il y en a qu'un, j'en mets deux, là, il m'est arrivé de mettre trois petits sous une femelle de pigeon. Les élèves, d'ailleurs. Ah oui, il faut prendre des précautions, il faut les mettre le soir. Alors, pour peu que les petits prennent l'odeur de la mer qui les couvre pendant la nuit, ça va très bien. Parce que c'est un animal sauvage, les pigeons, hein, contrairement à ce qu'on pense. Ils sont terribles, les pigeons. Ils tuent les petits qui ne sont pas les leurs. Quand un petit tombe du lit, ils voient ce qu'ils en font. Hein. On présente la colombe comme le symbole de la paix, je leur dis que le pigeon n'est pas nécessairement le symbole de la paix. Hein. Alors, il faut prendre des précautions. Il faut mettre le petit la nuit, le soir, quand la femelle est couchée sur le nid, là, le prendre très, très, très bien. Ouais. Alors, ça me permet de voir un peu l'état sanitaire du pigeon, quoi. Et donc, vous occupez une fois par semaine ? Une fois par semaine. Toutes les semaines, je consacre 2 heures. Hein, le fumier de pigeon, le fumier qui est excessivement riche, très recherché. C'est pas ton nom, d'ailleurs, c'est la colombie. Peut-être, c'est possible. Vous voyez, j'apprends quelque chose, j'ai ignoré que c'est bleu, quoi. Il est très prisé, ah, il est très riche, très, très riche. Dans il est jardin, à la limite, même trop riche. Ouais. Il brûle, oui. C'est vrai, c'est égal. Vous avez dit que sur la place de Marne, il y a tellement de pigeons que les déjections des pigeons sur les voitures finissent par attaquer la peinture. Ouais. Les voitures qui se gardent trop souvent. Vous ne m'étonnez pas. Je sais que le pigeon, le Courcel justement détaillait les qualités du fumier de pigeon. Et il insiste bien sur le fait que c'est un fumier qui est excessivement riche et qu'il faut l'utiliser sous forme très pailleuse, avec beaucoup de paille, de façon... Et dilué avec de l'eau. Des gens ont dit qu'ils utilisaient dilué avec de l'eau. Oui, mais malgré ça, ça peut poser des bois. Moi, je sais que les premières années, j'avais un espèce de jardin qui fait 700 à 800 mètres carrés, là, et j'utilisais beaucoup de pigeons, beaucoup de fumier de pigeons, et je l'arrosais allègrement, mais j'ai dû ralentir. Hein. J'ai dû ralentir parce que... C'est quoi ? Les arbres ne se portaient pas comme j'aurais pu le penser. Et j'ai pensé que c'était un fumier beaucoup trop riche. Pourtant, il est très pailleux, parce que je mets beaucoup de paille. Voilà, alors je vous dis, bon, le pigeon, c'est ça. Ça vous définit un peu cette passion. Pourquoi ? Je ne sais rien. Est-ce qu'ils manifestent des familles ? Est-ce qu'ils sont familiers avec vous ? Ah, ils me connaissent très bien. Moi, je peux faire n'importe quoi. Je peux prendre les œufs, les déplacer, les remettre sous une autre femelle. Ils me donnent des grands coups d'aile, là, mais je le vois très bien. D'ailleurs, quand je rentre dans le pigeonnier, moi, ils ne s'affolent pas. Alors que lorsque je rentre avec quelqu'un, avec mes petits enfants, c'est l'affolement, c'est. Les petits enfants trouvent ça bizarre. Pourquoi ils n'ont pas peur avec toi ? Pourquoi ils ont peur avec nous ? Ah, ils me connaissent bien, ils me connaissent bien. Ils ne se laissent pas attraper les pigeons, mais en fait, Il me fait très bien mon pigeonnier de ces jours. Il n'a rien de remarquable, hein. C'est pas un pigeonnier qui date. En fait, il a moins le mérite d'exister. Et vous les écoutez, vos pigeons ? Ah, le roucoulement des pigeons, je trouve ça quelque chose de formidable. Oh, si je vous dis tout ça, vous allez vous foutre de moi. Non, J'ai enregistré il y a deux heures des recoupements des pigeons. Ah, mais j'ai enregistré du recoupement de pigeons. Formidable, j'ai enregistré du recoupement de pigeons. J'ai une villa là, qui est assez grande parce qu'on a, j'ai quatre enfants qui sont partis maintenant, quatre filles. Il y en a une chambre qui donne un petit peu. J'adore, quand je peux, dormir dans cette chambre, qui n'est pas la chambre dans laquelle je dors en fait, parce que le matin, je suis réveillé au recoupement du pigeon. C'est formidable. Alors, vous dire que je reconnais le recoupement de chaque couple, non. Mais enfin, on reconnaît très nettement le recoupement d'une femelle, de celui d'un mâle, c'est pas du tout le même. Hein. La femelle est beaucoup plus métallique, moi j'appelle ça métallique. Le recoupement du mâle, c'est beaucoup plus profond, ça va beaucoup plus loin. Avec la femelle, recoupe accidentellement d'ailleurs. Les mœurs de pigeons, je les connais à fond. Vous le savez, vous, certainement, que les femelles. Pas à fond les mœurs de pigeons. Ouais. Que les femelles et les mâles alternent pour couver. Oui, ça oui. Et puis alors c'est rigoureux, moi je m'amuse pour les changements d'heure à regarder ça. Oui. Tous les mâles sont à 11h sont dans les nids, quel que soit le dérèglement d'heure. Oui. À 5h tout le monde fout le camp. Puis c'est pas sympa un pigeon, hein. Ils sont très durs avec leur femelle là. Hein. C'est qu'ils se recoupent dès que les petits ont 15 jours, la femelle répond là. Hein. Mais si la femelle ne répond pas, le mâle la poursuit, il la pique, ils ne tolèrent pas que la femelle se promène. Ils sont très durs les pigeons, très très durs. C'est vrai quand on en fait le symbole de la paix, enfin la colombe. Qui est un très proche du pigeon finalement. Moi je rigole un petit peu parce que c'est pas tellement ça. Hein. Et sinon, des soins particuliers pendant qu'ils ont les petits Ah non, aucun. Non, j'essaie précisément de ne pas tomber dans le travers des traitements. Il n'y a pas tellement longtemps, j'ai rencontré un gars qui m'a dit, moi je donne une alimentation spéciale quand elle est petite. Je dis non. Bon. Alors moi c'est tout le temps maïs, blé, pois fourragés, qui d'ailleurs, dont la richesse nutritive, est très proche de l'avesse hein, d'ailleurs. Ah ouais. C'est une légumineuse, hein, une légumineuse aussi même petite que l'avesse. Il ne faut pas leur en donner trop, parce que quand on les en mange trop, ils en sont très friands, ça provoque des diarrhées. Hein. Ah ouais. Alors je leur donne 2-3 par semaine et sans plus, parce qu'ils se jettent là-dessus, ils adorent ça. Hein. Et de la verdure, vous leur Oh, beaucoup de verdure, beaucoup de... Ah, la salade, ah, oui, les pigeons mangent la salade. Quand j'achète des salades au marché, ça part 4 ou 5 salades, et les gens me connaissent, ils rigolent, c'est encore pour vos pigeons. Je dis oui, ils me le rendent bien, les pigeons, j'entends des salades. J'achète pas des laitues quand elles valent 8 francs pièce, hein. Mais quand elles tombent à 2 francs 50 pièces, j'achète 3-4 laitues, et tous les jours, je leur balance une salade, comme ça, ils sont ravis. Hein. Il faut voir quand ils mangent ça, ils se précipitent là-dessus, et en 2 heures, il ne reste plus un poil de verdure. Hein. Et les parasites, genre bébidans et tout ça? J'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Et pourtant. Ouais, pourtant ils ont certainement des petits poux avec lesquels ils cohabitent d'ailleurs, parce que je vois quand je les tue, là, ces petits poux blancs là, on les voit très nettement là, surtout le matin. Le matin quand je les tue le soir en principe, parce que je ne veux pas les affoler alors que je les attrape le soir, c'est facile de les attraper. Et puis je les mets sur un endroit, là, puis le matin je les regarde, hein, parce que je les regarde avant, je les regarde après, je les tape. Et bien sûr qu'il y a ces petits poux blancs, ils se promènent sur les légumes, pas des quantités industrielles. J'avais à une certaine époque envisagé, je l'ai même fait certainement, j'avais mélangé un petit coin de sable. Comment on conseille de faire pour les élevages. Parce que je sais que j'ai travaillé dans une firme d'aliments du bétail, les problèmes d'élevage nous étaient très familiers. Et ce problème de poux, on le retrouvait chez les volailles pondeuses. Et le système est très simple, hein. Il suffit de ménager dans un petit coin, ce qu'on appelle un trou à sable, dans lequel vous mélangez un produit quelconque, quoi, anti-poux. Et les volailles viennent s'ébattre dans ce. Viennent se Voilà, ouais. Et ça les traite comme ça. Ah ouais. Oh, à une certaine époque aussi, j'avais acheté un produit qu'il fallait mettre dans l'eau du bain. Parce que quand il fait très chaud, comme ça, je leur donne de l'eau pour se baigner. J'adore ça d'ailleurs, j'adore se baigner. Je leur laisse passer en permanence, parce qu'ils ont tendance à boire cette eau, c'est ennuyeux, c'est de l'eau qui est quand même pas très propre dans la mesure où ils se sont baignés. Quoi. Ouais. Mais il y a un système qui consiste à mettre de l'eau dans l'eau du bain. Et ouais, voilà, puis je le fais pas. Parce que pour moi, c'est pas un problème. Le problème, c'est la coccidiose et les vers. Les vers, que je suis obligé de voir ça avec beaucoup d'intérêt. Et je m'aperçus aussi que cette eau, malgré le produit, il buvait cette eau. Il buvait. Alors je me suis dit, ça peut pas être toxique, je n'avais pas poursuivi l'expérience. C'est un animal très compliqué, le pigeon, très compliqué. Je vous disais tout à l'heure qu'une fois, j'ai eu des boires sévères. J'avais une coccidiose qui est très nette. Et j'avais pris un produit très classique. Avec lequel on traite les poulets contre la coccidiose. J'ai traité le problème de la coccidiose, indiscutablement, mais les plumes des pigeons tombaient, des jeunes pigeonots tombaient, repoussaient. Ça m'a inquiété, j'avais pris des photos d'ailleurs que j'ai conservées à la maison. Et dans le coin de Courcelles, C'est un produit qui s'appelle la pyrétamine, un truc comme ça. Le conseil, c'est attention, évitez absolument la pyrétamine. C'est un produit qui est excellent contre la coccidiose, mais des effets secondaires, ceci et cela. Ils sont très délicats. Il y a des produits, par exemple, contre les vers, qui sont très efficaces contre les vers, mais qu'eux ne veulent pas boire. Alors, il faut foutre du sel, du sel, du sucre, pour leur faire boire ça. Alors, des produits qui sont, par ailleurs, très efficaces contre les vers, mais qui ne veulent pas boire. Quand la mue, est-ce que vous... Ah. Oui, je m'en occupe bien au sens que je les charge très fortement en vitamines. Et à partir du mois d'août, je leur donne des vitamines dans nos boissons. Quoi, hein. Ouais. Parce qu'effectivement, la mue est un problème très important chez le pigeon. Très important. Hein. Alors, je ne bouscule rien. Oui. Il y a des gens qui font déjà de l'éclairage chez le pigeon, de l'éclairage, de la ponte sur le pigeon. C'est un système d'éclairage qui est couramment utilisé chez les volailles. Oui. Ça marche très bien. Oui, oui. Moi, étant donné que moi, je n'en fais pas une industrie, j'ai jamais poussé la vis à éclairer les pigeons. Mais effectivement, pendant la mue, la ponte diminue un petit peu, mais diminue ce qu'elle est d'importance. Mais je sais qu'au mois de, à partir du mois de fin août, je les charge très fortement en vitamines. Mais l'éleveur m'a dit que si tu les poussais trop, on pouvait mettre une lampe. Ah oui, bien sûr, vous les poussez trop, bien sûr. Et à long terme, c'est pas bon du tout. Si vous voulez, c'est un truc que vous pouvez faire sur l'élevage de volailles, parce que l'élevage de volailles ne dure jamais plus de 2 ans. Mmh. Alors, d'ailleurs, en principe, vous balancez un élevage de volailles avant que la mue se produise. Par mesure d'économie, depuis quelques années, pour faire une mue, pour faire une deuxième saison aux poules. Jamais deux, jamais plus de deux. Alors vous pouvez forcer les poules, mais à la fin de la deuxième campagne. Voilà, alors je vous dis, moi, je ne sais pas dans quelle mesure, dans quel sens je pourrais collaborer à votre travail. Et puis je vous dis, je ne suis pas encore complètement libre de mon temps, quoi. Enfin, j'ai quand même mes samedis et mes dimanches libres, que je consacre bien souvent à faire de la randonnée. C'est marrant parce qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre la randonnée et les pigeonniers. Je découvre à l'occasion de mes randonnées des pigeonniers extraordinaires. Alors, vous avez vu les pigeonniers de Liman J'en ai quelques-uns. Je ne les prends plus en photo parce que finalement, ils sont tous du même style. Ouais. Ils sont tous du même style. Ouais. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir des pigeonniers de différents styles. Par exemple, j'en ai dans le sud-ouest qui sont tout à fait différents. Ils sont carrés au lieu de tronc. Ouais. Bon, il y en a quelques-uns encore. Je me suis laissé tenter tout récemment. Comment ? Il n'y en a pas tellement. Ouais. Oui, c'est des doliments. Oui. Dans la vallée de la Laye, là. Oui. Et je crois que c'est la capitale du pigeonnier. J'ai lu dans un bouquin, d'ailleurs, dans le sud de Martel, qu'on disait que c'est Saint-Étienne-les-Orts qui est la commune la plus riche en pigeonniers, je crois. À Mans, il y en a partout des pigeonniers, partout des pigeons. Et je me suis encore laissé tenter récemment, là. Bon, si tout le monde rigolait, là, parce que j'ai découvert à Loris un pigeonnier formidable, extraordinaire. Alors je l'ai pris sous tous les angles, devant, dessus, dessous. Et... c'est pas pigeonnier. Non. Avant d'arriver à Loris, il y a un croisement qui va sur l'Ourmarin, quand on arrive de Pertuis, l'Ourmarin puis Loris. Et juste là, il y a une maison dont on dit qu'elle a appartenu aux Templiers. C'est pas impossible d'ailleurs. Et là, il y a un pigeonnier qui est magnifique. Alors là aussi, je l'ai pu photographier quand on a. Parce que je ne veux pas choquer les gens, alors je demande la permission. Et ces gens m'ont laissé photographier. Alors en principe, je fais des photos en double, puis je leur porte, ils sont très contents d'ailleurs. Ouais. Et ceux de la vallée de la Laye ou ceux du pays de Sancaquier, vous avez pu en visiter quelques-uns à l'intérieur ? Non, pas spécialement. J'en ai visité beaucoup dans le sud-ouest. Dans les églises, des fois, je monte voir les pigeons dans les églises. Ouais. C'est formidable. À Seignon, je suis monté il n'y a pas longtemps, il y a 2,50 m de fientes dans le clocher de l'église de Seignon. Oui, c'est pas le pigeonnier, mais pourtant les pigeons habitent là. Il y a 2,50 m de fientes dans le clocher de Seignon, c'est formidable. Ce que j'aimerais savoir, c'est tout ce qu'il y a autour de ces pigeonniers, justement. Parce que bon, on a effectivement un inventaire précis, genre architectural, de ces pigeonniers qui a été effectué par Pierre Martel. Oui. Mais toutes les pratiques qu'il y a autour de ces pigeonniers, comment les gens les utilisaient, voilà, qui s'en occupaient, sur le but de votre. Oui, c'est ça. Alors, excusez-moi, je vous ai interrompu. Donc, c'est vrai que je suis à la recherche de gens qui ont connu ça. Je vous écoute, je cherche quelque chose pour vous montrer quelque chose, mais je vous écoute. Voilà, moi ce que je vais vous demander, si vous... je suis en train de rechercher votre thèse. Il y a une bonne femme ici à Pertuis qui est une ancienne infirmière, vieille infirmière, qui marche toute cassée comme ça, qui adore les pigeons. Elle passe son temps à donner à bouffer aux pigeons. Alors tout le monde gueule après elle parce qu'elle a dit. Elle habite à 200 mètres de là. À partir du moment où elle sort, il y a les pigeons qui l'attendent et qui la suivent. Et ils la suivent, son itinéraire. Alors, je l'ai photographiée l'autre fois, alors elle était pas... parce qu'elle rouspète, elle a un sale caractère, alors elle a peur, comme elle sait que je travaille dans la presse, elle a peur que je le mette dans le journal. Surtout, elle a dit, vous ne le mettez pas dans le journal. Je dis, mais non, c'est pas pour vous mettre dans le mais journal. Ça leur donne des ah oui, non, des restants, elle fait les restaurants. Elle fait les restaurants, elle récupère tout ce qu'elle peut dans les restaurants. Il y a un grainetier en face, il m'a dit, mais ouais, elle m'achète de temps en temps du grain quand elle a un peu de pognon, pas trop, parce qu'elle n'est pas très riche. Et elle leur donne des trucs, mais alors c'est un spectacle. Elle sort de chez elle, les pigeons la suivent comme ça. Et elle a deux ou trois arrêts, dont ici, juste en face, là. Elle dit, les pigeons tombent sur elle, ils se posent sur son dos. Donc elle continue, les pigeons la suivent, c'est quelque chose de formidable. Alors tout le monde a perçu, ils broussent après elle, parce que, ouais, vous entretenez les pigeons, c'est dégueulasse, ça chie partout. Enfin, vous connaissez le classique, quoi. Et alors, l'autre fois, je l'ai pris en photo, c'était... Et les pigeons que vous avez dans votre pigeonnier, vous ne les lâchez pas? Non. Et non, vous savez, j'habite dans un lotissement, je ne sais pas où, je ne sais pas. Dans le temps, en Touraine, j'avais fait un pigeonnier, les pigeons étaient en liberté. Et puis, les voisins étaient gentils, bon, j'avais fait de réflexion, mais j'ai su que ça allait déterrer leur... Parce que c'était un animal emmerdant, le pigeon, hein. Si le droit de pigeonnier a été aboli, c'est pas pour rien, hein. C'est que c'est un animal qui crée beaucoup de dégâts. Alors, les voisins étaient gentils, me se plaignaient pas trop. Enfin, je sais que mes pigeons allaient de temps en temps déterrer leurs graines, alors les miens sont enfermés. Je le regrette d'ailleurs. J'aimerais bien qu'ils soient libertins, les pigeons. Parce qu'ils reviennent. Ils reviennent quand ils ont des petits, hein. Quand ils ont des petits, parce qu'il faut qu'ils soient déjà attachés au nid, hein. Puis comme j'ai les petits bien qui sont... Non, j'ai envisagé ça, puis je ne l'ai pas fait, je vous dis, parce que j'habite dans un lotissement, j'ai peur que ça pose des... que les voisins n'apprécient pas, quoi. Ouais, c'est ça, justement. Parce qu'il y avait des systèmes, justement, dans les pigeonniers, de fermeture devant la grille d'envol. Ouais. Pendant les périodes des semences, quoi. Puis de chasse, parce que là aussi, hein, ça fait des dégâts, quoi. Ouais. Les chasseurs... Voilà, on peut très bien fermer les pigeonniers, oui, ça peut se faire, c'est vrai. Mais vous savez, dans un jardin, c'est différent, parce qu'à l'époque des semailles, en agriculture, on sème à une certaine époque. Dans un jardin, les gens sèment toute l'année, puis il y a des fleurs, puis il y a des trucs, puis il y a des gens qui ne s'appellent pas. Hein. Alors quand je ne veux pas imposer ça, on fait son temps fermé. Quoi. Mais effectivement, j'aurais aimé avoir des pigeons un petit peu de temps en temps sur mon toit. C'est pas le cas. Alors écoutez, voilà ce que je vous propose. Bon, vous voyez, je vous disais tout à l'heure que je ne suis pas disposé de mon temps complet pour l'instant, hein. Mais je dispose mes samedis, mes dimanches. J'aimerais, si vous voulez, que vous me disiez d'une façon précise, vous m'écriviez d'une façon précise ce que vous attendez de moi, voyez. Et puis, ouais, moi, je vais prendre ma tente pèlerin, puis je n'hésiterai pas. Quoi. Puis surtout, géographiquement, vous sembliez me dire que c'est dans... dans... Vous voulez être calqué, oui, mais bon, c'est extensible, je veux dire... Je crois que je suis plus attiré par les Alpes que par les Bouches-du-Rhône. Hein. Par définition, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, ma voiture monte toujours beaucoup plus là-bas que par là-bas. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Enfin, s'il faut, dans la vallée, dans la région de Trèves et compagnie, c'est les Bouches-du-Rhône, enfin, c'est encore accessible, hein. C'est pas oui, parfait. Oui, enfin, n'allez pas exprès dans un endroit, c'est au fil de vos randonnées. Ah, mais non, quand même, parce que, vous savez, mes randonnées, elles m'amènent en Ardèche, à droite, à gauche, et beaucoup de pigeonniers, par là. Non, oui. Si je le fais, j'irai dans un but précis, hein, pour... Puis ça m'intéressera, mais quoi, ce sera pas une contrainte, hein. Cette affaire-là m'intéresse en tant que telle, je vais prendre la curiosité, quoi. Alors, si vous me dites, voilà, il faudrait dans tel secteur savoir telle ou telle chose, ça ne m'ennuiera pas d'aller voir un petit peu, discuter un peu avec les gens, faire une enquête, j'adore ça, hein. J'adore discuter avec les gens. Vous avez découvert que j'avais parlé, hein. Surtout quand ça me passionne pas, je compte tout le monde. Hein. Oui, mais quand on va questionner les gens, il ne faut pas trop parler. Parce que ça dépend. Ça dépend. Parler. Ah oui, il faut laisser parler, mais ils aiment bien qu'on leur pose des questions. Oui. Ah oui, mais là, vous voulez parler, je parle. Oui, bien sûr. C'est le but. Mais... Et réciproquement, qu'est-ce que vous attendriez de cette enquête qui se réalise en ce moment? Puisque vous aviez l'air intéressé de... Ah, moi, rien de très précis. Non, c'est plutôt votre intérêt qui deviendrait le mien. Ouais. Si vous voulez, moi, j'avais lu ces deux bouquins de Martel, je relis de temps en temps, d'ailleurs, et je trouve ça bien, mais quand Mme Musset m'a dit « nous allons orienter notre enquête beaucoup plus sur le sens, les social, les pourquoi aller... » Voilà, j'ai trouvé ça très bien, parce qu'effectivement... Je suis convaincu, je vous le disais tout à l'heure, que le pigeon est un phénomène de société. On retrouve du pigeon dans l'Antiquité, on retrouve du pigeon partout. Le pigeon a toujours cohabité avec l'homme, un peu comme le chat d'ailleurs. Certains cas, c'était très apprécié, d'autres n'aiment pas les pigeons, c'est des gens qui laissent, des animaux qui laissent pas indifférents. Alors je suis convaincu qu'il y a un rapport très étroit à établir entre les pigeons et une époque. Sur le plan architectural, on arrive à situer beaucoup de choses en regardant les pigeonniers. Quand on s'aperçoit d'ailleurs, peut-être moi ici, je disais qu'une étude sur les pigeonniers en Normandie, on disait que selon que le pigeonnier était accolé au bâtiment ou isolé, ça dénotait une certaine richesse, selon qu'il y avait X, comment dit-on ça, encore les trucs autour, voilà. oui, ici aussi d'ailleurs. Alors c'est très important ça, on arrive à... C'est un peu comme les chapelles finalement, hein? C'est un peu comme les chapelles. Alors moi j'attends rien de particulier, sinon que je suis tout disposé à essayer de faire, je dis bien essayer, parce que je ne sais pas si j'y répondrai exactement à votre question, à essayer de faire ce que vous désirez, et de toute façon ça m'intéresserait dans tous les cas. Je vous dis, bon, tout ce qui concerne le pigeon m'intéresse. Alors a priori, vous me demanderiez d'aller reprendre les pigeonniers, c'est dommage, mais enfin, faire une étude sur les gens qui ont élevé des pigeons, ça m'intéresse. Faire une étude, du moins faire Une enquête. où le rôle d'un, il a indiqué les gens qui sont-ils, on peut y aller ensemble si vous voulez, mais bon, la méthode ethno est une méthode un peu, je dirais pas particulière, mais bon. Et puis, moi j'ai un certain nombre de questions à poser et j'aime bien les poser directement, quoi. Elle est certainement particulière parce que ça répond à des critères bien précis, si vous voulez. C'est pour ça que si nous avons l'occasion de sortir comme ça, moi je préférerais que les premiers temps, on y est ensemble, que je vois comment vous procédez. Parce qu'il est certain que la façon dont vous procédez est certainement très différente de la mienne lorsque je vendais de l'aliment du bétail ou autre chose. Le tout, c'est qu'on ait l'intelligence d'adapter son comportement à ce qu'on recherche et puis au type de gens qu'on a en face de soi, quoi. Alors moi, je ne suis pas du tout hostile à aller faire quelques visites avec vous, voir un petit peu comment vous dirigez un entretien, comment vous l'orientez, et puis à le faire, à en faire d'autres. Vous êtes limité dans le temps, il faudrait que vous fassiez ça rapidement, votre affaire, non? Je pense que ça va me prendre jusque vers septembre. Septembre, cette année-là? Oui. C'est quand même relativement court, quand même, oui. Ah oui, de Il faudrait toute que ce soit fait dans façon. l'été, quoi. Oui, peut-être que je prolongerai si j'ai pas eu le temps jusqu'en automne, Ouais. mais je préférerais pas, quoi. Je dirais je préférerais pas. Mais c'est pas exclu. Eh bien, il faut qu'on fasse vite, alors. Oui, effectivement, on partait en congé peut-être. Oh oui, mais enfin, je suis pas en congé je l'ai mis sur des lettres des clients, du 12 au 22, là, je suis pas du 12 au 22. Puis je vous dis, je peux y consacrer le samedi ou le dimanche, quoi, hein, c'est pas beaucoup, Oui. ça. Vous pensez qu'on peut faire quelque chose pendant samedi et dimanche, hein? Moi, je ne Vous travaillerai travaillez. pas trop le Voilà, samedi et dimanche. d'accord, je m'en doute. Mais bon, par exemple, il faut que j'aille voir quelqu'un un week-end, parce que ce sont des gens qui ne viennent dans ces maisons que le week-end Oui. et parfois l'été, mais là, je ne les ai pas trouvés, donc je suppose que je pourrais peut-être les rencontrer un week-end, mais je ne suis pas sûre que ce sera fructueux, quoi. Je Oui. vais aller un peu à ces gens qui n'ont pas le téléphone. Ce qui peut vous intéresser aussi, si vous aimez les pigeonniers, c'est que je dois en visiter quelques-uns. Oui. Alors, quand ni comment Vous me tenez au courant? Moi, voilà, ce qu'on voyez, je peut vous dis, faire, c'est ça, c'est se tenir au courant de je pose bien les conditions du problème. Hein, c'est que je ne suis pas disponible à temps complet. Si j'étais retraité, je vous dirais à partir de demain, vous pouvez compter sur moi, j'y vais. C'est pas le cas. Hein. Bon, j'ai quand même une certaine disponibilité. Et puis, évidemment, le samedi dimanche, ça ne correspond pas exactement à votre travail. Parce que... Mais dans la mesure où, tel que je pose le problème, ça peut vous être utile, vous me dites. Et j'aimerais effectivement faire une ou deux visites avec vous pour voir un petit peu comment vous dirigez vos entretiens au départ. Parce que. Et puis ensuite, ben... C'est pas très directif à ma Oui, façon mais de faire. exactement, j'entends bien, je le comprends très bien, je comprends très bien. C'est pas un questionnaire Voilà, c'est qui ça, vous parle. oui, donc c'est différent. Si vous êtes dans le sens dans le commercial, si vous êtes obligé d'être directif, là c'est très différent, c'est une enquête qui doit se faire. Et... Non, non, j'entends bien. C'est surtout interroger la mémoire Je me ou ferai plutôt le violence. cerveau. Non, mais je ne suis pas spécialement directif, j'aime bien parler, mais je ne suis pas spécialement directif. Oui, mais ça c'est un truc qui m'intéressera, et je vous tenez-moi au courant, dites-moi où je peux vous rencontrer. Vous avez mes coordonnées, vous avez l'autorisation précise au bureau ici. Je veux que ce soit une carte professionnelle, mais enfin, ça n'a pas d'importance. Moi, je n'ai pas de carte professionnelle, mais je peux vous laisser mes coordonnées. Voilà. Ben, si vous voulez, en fait, c'est vous qui me contacterez, parce que c'est vous qui devez décider de ce qu'il faut faire, finalement. Hein. Non, sur ma carte, il y a déjà mon numéro de bureau, ce qui est déjà plus facile, parce que. Au mur, parce que là, vous l'avez déjà, puisqu'on m'a appelé hier. Et Hein. puis j'aimerais bien voir votre collection d'objets hétéroclites autour du thème du pigeon, Oui, quoi. mais c'est surtout le, oui, au Parce que moi, hétéroclite, vous savez, c'est un petit pigeonnier, c'est un pigeon. Mais enfin, par contre, j'ai un album de photos, voyez, où j'ai un petit peu des pigeonniers de différents coins. Hein, j'en ai. peut-être ça intéresserait Salagon de voir ces photos, peut-être éventuellement de vous en emprunter ou Ah je sais pas, oui, moi, mais, oui. par Mais ils ne sont rapport pas à tous de ça. Provence, attention, hein, ils ne Oui, sont pas tous oui. de Provence. Hein. Oui, mais j'ai photographié quand il était malade, quand il était en bonne santé. Je voulais vous l'amener, puis mon petit-fils s'est couché dans mon bureau, là, j'ai pas pu y rentrer. Enfin, je me suis dit de toute façon qu'on se reverrait, hein, de toute façon, Oui. ça. Ouais. Voilà, écoutez-moi, je pense que c'est vous qui dirigez la manœuvre, hein, parce que je comprends ce que vous désirez et a priori ça m'intéresse. Hein. Et Et sinon, est-ce que c'est possible pour vous, après les heures de bureau, éventuellement faire une visite à Salagon pour aller voir un pigeonnier dans oui, l'après-midi ou vers la soirée? les heures de L'été, c'est bureau, plus possible peut-être. Hein. ouais, les heures de bureau en fait c'est pas tellement facile parce que les heures de bureau c'est de toute façon 18 h ici, hein. Non, je n'ai pas d'horaire si vous voulez. Je peux très bien. C'est moi qui dirige mes horaires, mais enfin, disons que je suis à disposition de mes clients, au moins jusqu'à 18 h. Hein. Je peux, mais vader quand je veux. En fait, je suis un petit jugé, je me suis un avant-même ici. Mais Salagon, c'est pas derrière la porte. Il faut quand même 1 h, 1 h 30 pour y aller. Parce que là, par Avec exemple, ce soir, je vous, avec vais vous. à Parce que... 18 h voir un pigeonnier. Aujourd'hui? Oui. Vous voyez un pigeonnier à 18 h aujourd'hui? À quel endroit? Au Zibourg, après, à côté de Limoges. Ouais, tiens, je connais bien le coin. Parce que tiens, j'ai des amis à ma fille qui habitent au Zibourg. Ah Oui, que je suis de parler. Ils habitent au Zibourg, ces gens-là, oui? Oui, mais il faut leur et ils ont parler. un pigeonnier extraordinaire. Ah oui. Et ils m'avaient donné à l'époque des boulets. Ah oui? Ils m'avaient donné un boulet, je ne sais pas ce qu'est devenu ce boulet. Et ils Des habitent boulets comment? en En terre terre, cuite? oui. Et ils habitent toujours, c'est un couple jeune, hein, parce qu'ils étaient amis avec une de mes filles. Ils avaient fait l'école d'agriculture ensemble d'ailleurs. Et je crois ça, je pense qu'ils habitent toujours au Zibourg, ces jeunes-là. Hein. Et ils habitaient au pied de pigeonnier. Leurs parents avaient acheté une maison, ou une maison qui venait de famille, si vous voulez. Ouais. Ils exercent pas un métier. Oui, lui, enfin, c'est un garçon, lui, qui était ébéniste. Ah, mais écoutez, ce sont les meubles de chez eux que je veux ce soir. C'est pas vrai. C'est eux qui nous ont fait le meuble des salles à Ça va manger. être Perrault-Leroy, c'est Mais ça? oui, Perrault-Leroy, bien sûr. Et d'ailleurs, je ne peux pas dire même Perrault-Leroy, parce qu'ils ne sont pas mariés, je crois, mais comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle. Berger. Nicole Berger. Nicole Berger, c'est une copine à ma fille. Il y a de devant, Marie-Laure de devant, elles sont très copains. Et c'est eux qui nous ont fait, d'ailleurs, lui est un ébéniste de première bourre. Hein, c'est lui qui nous a fait notre salle à manger, là, il n'y a pas longtemps. Et bien, c'est pas vrai. L'énergie commence ce soir, à 18 h. Non, alors ce soir, c'est impossible, aussi, parce que ma femme garde avec les petits-enfants, elle m'a dit surtout, rentre pas trop tard, parce que je voudrais sortir et des commissions à faire. J'ai promis qu'à 5 h 30, je serai là-bas. Et alors, ça tombe très mal ce soir. Hein. Non, j'ai promis, je dis à 5 h 30, je serai à la maison, parce qu'elle a Non, 10 ans. c'était pour donner un exemple de Voilà, oui, ce ben, éventuellement, surtout l'été, les soirées sont assez longues, c'est pas impossible, c'est impossible, oui. Écoutez, voilà, alors je vais vous donner mes coordonnées. Bon, le téléphone bureau, vous l'avez. Non, c'est personnel, ça, oui, personnel. Ah, vous allez ce soir là-bas. Écoutez, ne manquez pas de leur dire qu'on s'est vu, parce qu'ils connaissent très très bien une de mes filles, qui s'appelle Marie-Laure, je vous dis une parce que j'en ai quatre, hein, et qui a fait des études avec Nicole Berger à Avignon. Avignon, qui ont fait leurs études au lycée agricole d'Avignon. Hein. Et un jour, ils m'avaient donné, ou ils voulaient me donner un boulin, un truc comme ça. Qu'il est classé, leur pigeonnier. Bien sûr qu'il est classé, ce pigeonnier, bien Ils sûr. doivent refaire d'ailleurs. Vous devez y monter dedans, vous devez. Oui, c'est pour ça que j'y vais, c'est pour Ouais. voir, parce que je n'avais pas encore vu à l'intérieur. Ouais. Ah, ils sont toujours là-bas, alors. Ah oui. Je sais qu'ils avaient eu des déboires financiers à une certaine époque. Après, c'est vrai que ça a l'air de marcher, parce qu'ils ont toujours une belle enseigne. Oui, mais enfin, il a de la concurrence, ce jeune-là, et puis c'est pas facile, hein. Ouais. T'as plus qu'il vivait un petit peu marginalement, là, elle était factrice l'été, là, elle prend un boulot de factrice, là, Nicole. Oh, ils sont venus à la maison souvent, oui. À l'époque, à chaque fois que Marie leur vient ici, il est rare qu'elle ne prenne pas contact avec elle et qu'elle ne se voit pas, quoi. C'est marrant, ça. Ouais. Ah, on est allé quelques fois, je suis allé quelques fois là-bas chez eux. Et d'ailleurs, les parents donc de Nicole, Madame Berger en particulier, m'a donné beaucoup d'informateurs, mais Sur le bon, pigeonnier. malheureusement, qui ne sont pas là hein, en ce moment. Oui. Et les gens qui ont connu l'époque en laquelle les pigeonniers de cette région là-bas étaient peuplés et qui savent un peu plus de choses C'est le cœur, du coup, on a l'impression Moi, que. c'était une grande terre à blé. Eh oui, ça correspond d'ailleurs, avec le bouquin Oui, de Martin, on comprend très bien ça. Ça recouvre un petit peu qui les. superpose les cartes Bien des sûr, pigeonniers tout et à fait, celles tout à fait, tout à fait, oui. Tout à fait. Écoutez, ne manquez pas dans l'immédiat de leur transmettre nos amitiés, parce que je vous dis, on les connaît très très bien. C'est marrant, Perrault-Leroy, oui. C'est un garçon qui a des réelles qualités. Hein. D'ailleurs, ça m'avait frappé parce que quand nous étions montés là-bas, pour je ne sais pas trop quoi d'ailleurs, et on a découvert tout à fait par hasard qu'il était ébéniste. Et c'est à l'époque où ma femme cherchait quelqu'un. Et ça m'a amusé parce que ma femme avait des idées bien précises, elle savait ce qu'elle voulait, elle savait ce qu'elle voulait, et elle lui dit, voilà, je veux ça comme je voudrais, ça comme ça, comme ça. Et il prenait des notes, il prenait des notes, et il est revenu 15 jours après, il a fait un petit croquis, il a dit, est-ce que c'est ça que vous voulez? Et j'étais frappé parce que ma femme a dit, c'est exactement ça que je voudrais. Ah oui, je vous assure, ça m'avait frappé. Hein. Et il nous a fait exactement un buffet, une table fermière, là, provençale. Non, pas provençale, je sais pas ce que c'est comme style, elle est très lourde. Et j'étais frappé de voir comment faire en parlant. Je disais, j'aurais voulu ça, ça, je voudrais ça. Et lui, il prenait 15 jours après, il apportait un petit crowbar en disant, voilà, ça, est-ce que vous voulez ça? Il dit, oui, c'est exactement ce que je veux. Et il nous a fait ça. Ça, c'est très bien. D'ailleurs, ça fait la meilleure solution. On dit à la maison, tiens, c'est joli ce truc-là. Hein. C'est lourd comme le diable, d'ailleurs, quand il a fallu transporter ça. Très bien. Et ah oui, une dernière question. Allez-y, si allez-y. Vous avez une connaissance à un ou à un autre de pratiques superstitieuses attachées aux pigeons? Pas spécialement. Non. Pas spécialement. Ça ne me vient pas à l'esprit, en tout cas. Non, non, non. Non, je. Non. Non. Non, non, non. Non, parce que non, je faisais allusion au chat alors, parce qu'effectivement, les chats ont toujours été entourés de réputation plus ou moins. Non, non, pas le pigeon, pas que je sache. Vous me posez la question parce que vous pensez que ça existait ou alors vous. Je sais pas, non. Non, tout le monde me répond par la négative. Mais ça ne m'étonnerait pas que ça existait. Parce que si vous voulez, quand un animal cohabite avec les hommes pendant très très longtemps comme ça, il ne m'étonnerait pas qu'on ait accordé aux pigeons des effets maléfiques ou un truc comme ça. Ça me paraît tout à fait vraisemblable. Tout à fait vraisemblable. En fait, il y a quelque chose qui est quand même difficile à savoir. Et je pense que ça peut. Je ne peux savoir qu'auprès de peut-être des anciens. Ouais. Mmh. Il faut se dépêcher parce que finalement, les anciens qui ont connu les anciens qui ont connu les anciens, ouais. ils deviennent eux-mêmes très anciens. Hein. Ouais. Il faut se dépêcher. Bon, écoutez, mis à part ce soir, parce que vraiment, c'est plutôt impossible. Parce qu'il faut que je sois avec 5h30 à la maison, je l'ai pris ma femme, puis je vais y aller parce qu'elle est débordée par les petits-enfants actuellement. J'ai une fille qui présente. Ben, j'ai une fille qui est en Guyane, qui est enseignante en Guyane, qui a présenté le CAPES, et elle était reçue à l'écrit, et il a fallu qu'elle monte présenter l'oral à Paris. Et elle a laissé les deux petits. Alors ils sont gentils, ces petits. Ah, mais ça prend. Il faut les suivre, parce qu'il y en a un qui a 18 mois, il est impossible. Il est sympa, mais il touche tout par terre, il casse tout. Alors ça fait 3 jours qu'elle est coincée, elle me dit écoute, si tu pouvais rentrer ce soir à 5h30, ça arrangerait, tu les garderais, et puis j'irai faire. Alors il faut que j'y aille, quoi. Ouais. Bon, alors écoutez, moi je vais prendre vos coordonnées aussi. Hein. Oui. Voilà, je vous donne les miennes. Je m'excuse. Une formation urgente ou bien. Voilà, tout à fait. Alors moi je m'excuse, c'est une carte professionnelle là. Enfin, vous aurez et mon numéro. Parce que le matin je suis tout le temps là. Merci. Si je n'y suis pas, j'ai toujours une secrétaire qui peut vous répondre, qui vous dit, oui. Qui me communique. Oui, d'ailleurs j'avais appelé la veille. Ah, vous l'avez. Ah, elle m'a dit, une dame a appelé. Oui, c'est moi. Alors, comme en principe, il faut toujours marquer sur un cahier, je ne vous ai rien dit. Je pensais. Non. Elle m'a dit, une dame a appelé. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous l'auriez dit que c'était un peu plus grave pour autant. Bon, alors vous me donnez vos coordonnées, et puis moi, je, si j'ai,